recevoir la louange, digne de recevoir la gloire pour l'éternité. Non pas un homme, Seigneur, mais toi seul, Seigneur, est digne. Entends ce chant, Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Mais quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Oh, toi seul es digne. Oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul es digne, oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Dans ta présence, Seigneur, dans ta présence, je me tiens. Tu as ce dont j'ai besoin, la joie, la vie et le bonheur sont dans tes parvis, mon sauveur, toi seul et seul et digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, tu es merveilleux, merveilleux Jésus, pour l'éternité. Chante alléluia. Seul De recevoir louange et gloire pour l'éternité. Oh, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Merveilleux Jésus, merveilleux Jésus, merveilleux, merveilleux, merveilleux. Reçois la gloire, Seigneur. Digne gloire. Reçois la gloire, Jésus. Digne d'être glorifié. Oh, merveilleux. Jésus. Nos cœurs s'éveillent, nous te cherchons. Enseigne-nous, révèle ton cœur pour des prodiges ou en nous. Oh, ta présence. Viens remplir ce lieu de ton esprit. Nous t'attendons. Hey, oh. Tu es grand, Seigneur. Alléluia. Tu es grand, Seigneur Jésus. Tu es magnifique. Tu es digne de louange. Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, tu es grand. Je t'adore. que tu es, Dieu des miracles, mon Dieu, c'est ce que tu es. Oh yes, oh yes, c'est ce que tu es. Oh yes, Yahweh, tu ferais un chemin, oh Père. De la voix. Ne craignons pas, car